Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons ce matin continuer notre étude du chapitre 16 dans les Actes, afin de bien saisir encore une fois l'œuvre de l'Esprit dans notre vie. Notre Père du ciel nous a fait le privilège de faire habiter en nous l'Esprit Saint. Tu dis que quiconque se repent et qui se fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, reçoit le pardon des péchés et le Saint-Esprit. Quel grand privilège que l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Créateur du monde, l'Esprit du Sauveur du monde, l'Esprit qui fait partie de la Trinité, habite dans nos cœurs, par ta grâce. Et nous voulons de mieux en mieux comprendre son œuvre en nous. Qu'est-ce qu'il veut faire en nous et par nous, dans nos vies, dans nos églises, dans le monde. Instruis-nous encore ce matin, afin qu'on puisse marcher de plus en plus main dans la main avec toi et d'éprouver les joies et la paix de notre bien-aimé Sauveur Jésus. Amen. Si je résume un petit peu, où est-ce qu'on est rendu? On a vu, à partir du chapitre 13, le début de la mission vers les inconvertis. Et dans le chapitre 13 et 14, nous avons vu le premier voyage missionnaire de Paul, accompagné de Barnabas. Au chapitre 15, il y a eu une parenthèse, à cause d'un problème dans l'église d'Antioche, et on voit Paul et Barnabas et des chrétiens d'Antioche descendre à Jérusalem, où est-ce qu'ils vont demander aux apôtres ce qu'ils devraient faire afin de mettre en pratique ce que Dieu veut qu'ils fassent. À la fin du chapitre 15, on a vu Paul et Barnabas qui décident de vouloir aller entreprendre un deuxième voyage missionnaire. Mais il y a eu un conflit entre les deux, et le conflit est tellement violent qu'ils se séparent pour le restant des Actes des Apôtres. Ce conflit arrive entre Paul et Barnabas à cause de Marc. Un voulait l'emmener, Paul ne voulait pas l'emmener. Finalement, Barnabas va partir avec Paul, avec Marc, sur l'île de Chypre. Et Paul va prendre Silas, et lui va être recommandé par l'église d'Antioche. Ils vont partir, accomplir un deuxième voyage missionnaire, et on va voir qu'ils vont revenir à la fin, encore une fois, pour donner un compte-rendu à l'église. On a vu à la fin, au début du chapitre 16, que Paul va prendre avec lui un nouveau équipier, sous le nom de Timothée, et on a vu qu'il l'a fait circoncire, parce que Timothée était à moitié juif, et à cause qu'il était à moitié juif, Paul veut éviter un paquet de problèmes avec les juifs dans les synagogues et ailleurs, donc il va le circoncire afin de pouvoir œuvrer librement parmi les juifs et parmi les non-juifs. Et ce matin, nous allons voir la suite de ce voyage qui a été commencé par Paul et Silas, et ils sont ensemble. C'est où est-ce qu'ils ont trouvé Timothée? Ils ont trouvé Timothée à Derbe et à Lystre, et là ils vont continuer leur voyage. Et nous allons voir l'intervention du Saint-Esprit dans l'œuvre, ce que j'ai appelé comme titre l'œuvre du Saint-Esprit. Nous sous-estimons souvent l'œuvre de l'Esprit-Saint dans nos vies, dans la vie de l'Église, et dans la vie même des inconvertis. Nous savons que nous avons vu depuis le début que c'est l'Esprit-Saint qui œuvre. C'est lui l'instrument que le Seigneur Jésus a donné à l'Église pour bâtir l'Église, pour œuvrer dans l'Église, pour être, afin que l'Église devienne un instrument en ses mains. Jésus a donné l'Esprit Saint, nous avons vu ça dès le début des Actes. Vous recevrez une puissance de cet Esprit, et à cause de cet Esprit-là, vous serez mes témoins. Et nous allons voir ce matin une séquence. Même si nous n'avons pas toutes les données à chaque fois que le Saint-Esprit fait quelque chose, mais il nous en dit assez pour savoir que l'Esprit est à l'œuvre dans la vie de Paul et dans la vie de tous les croyants, jusqu'à aujourd'hui. Même si on n'en a pas des signes extérieurs comme on va voir ici, nous croyons par la foi que l'Esprit Saint travaille dans nos vies, par nous et dans le monde. Lisons ensemble, si vous voulez bien. Chapitre 16, verset 6. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversa la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivé près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous !» Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à annoncer la bonne nouvelle. Ayant parti de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace, et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine, et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, est une femme craignant Dieu. Elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée, avec sa famille, elle nous fit cette demande, « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Donc, Paul et Barnabas, excusez, j'étais assez habitué de dire ça, c'est Paul et Silas maintenant, avec Timothée, et remarquez bien, dans le texte que nous avons lu, il y a le mot « nous » qui prend une nouvelle dimension, comme au verset 10. Après cette vision de Paul, « nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine ». Donc ici, Luc fait équipe avec Paul, avec Silas, avec Timothée, et peut-être qu'il y en a d'autres. Mais ici, l'auteur, qui est Luc, est devenu un de ceux qui accompagnent Paul dans son travail. Et à chaque fois que vous allez voir le mot « nous », c'est parce que Luc est présent. Des fois, il parle et il n'emploie pas le terme « nous », donc c'est parce qu'il n'est pas présent. Il y a eu l'information par d'autres témoins oculaires. Donc ici, ce que nous voyons, c'est un des moments dans l'histoire que l'apôtre Paul nous parle. Et Luc va inscrire ceci et il va encore une fois montrer à Théophile que c'est l'Esprit Saint qui dirige la mise en place de l'Église. C'est Jésus qui est en train de bâtir, ce Jésus que les gens disaient mort était bien vivant. C'est lui qui est en train de mettre en place un peuple qui va servir et glorifier Dieu pour l'éternité. L'Église n'est pas l'œuvre d'un homme, mais l'œuvre de l'Esprit de Dieu, ou l'Esprit de Jésus, ou de Dieu lui-même. Il ne nous est pas dit ici comment l'Esprit Saint, au verset 6, a empêché Paul d'amener la parole en Asie. Il ne nous a rien dit, mais il nous a dit que l'Esprit Saint l'en a empêché. Donc, Paul est en mouvement. Paul, il sait qu'est-ce qu'il a à faire. Son œuvre, c'est d'annoncer l'Évangile aux non-juifs. Donc, il ne se pose pas la question, mais qu'est-ce que Dieu veut? Ce que Dieu veut pour sa vie, c'est d'annoncer l'Évangile aux non-juifs. Donc, quand il ne peut pas l'annoncer à une place, il part pour l'annoncer à une autre place. Donc, au verset 6, il traversa la Phrygie et le pays de Galatie. arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, au verset 7. Mais encore une fois, l'Esprit de Jésus, au lieu de l'Esprit Saint, on l'appelle l'Esprit de Jésus, ne leur permit pas. Encore une fois, on ne sait pas comment que ça arrive, mais il ne leur permet pas. Je suis content qu'ils ne disent pas comment. Parce qu'à chaque fois qu'arriverait une telle situation de nos vies, on pensait que c'est la même chose. Mais des situations identiques peuvent arriver dans la vie de deux croyants sans que ça ait le même sens. Peut-être que dans une telle situation, Dieu va me conduire, moi, à ne pas parler et va vous conduire, vous, à parler. Donc, ici, l'Esprit Saint empêche l'équipe missionnaire conduite par Paul de répandre l'Évangile dans la Bithynie. Donc, ils franchirent la Mysie et descendirent à Troas. Donc, voyez-vous comment l'Esprit Saint est actif? Il l'empêche. Et là, au verset 10, il donne une vision à Paul. L'apparition dans cette vision d'un Macédonien qui demande, viens nous secourir. Qu'est-ce qu'ils comprennent? Ils disent, mais l'Esprit du Seigneur ou le Seigneur nous montre qu'il faut aller. Annoncer l'Évangile en Macédoine. Sans attendre. Ils sont convaincus que c'est la volonté du Seigneur, et donc ils partent et ils vont se rendre en Macédoine. Au verset 12, ils vont à Philippe, et qui est la première ville du district de Macédoine, une colonie. Colonie, ça veut dire, il y avait des Romains, il y avait une colonie romaine en place. Donc, il semble qu'il n'y a pas de synagogue dans cette ville, parce que Paul cherche un lieu de prière. Est-ce qu'il y avait une synagogue, puis encore une fois, l'Esprit Saint lui a montré que c'était pas là qu'il devait aller? Peut-être que non. Mais peut-être la meilleure façon de voir, c'est qu'il n'y avait pas de synagogue dans cette ville-là. Et Paul, le jour du sabbat, au lieu d'aller à la synagogue, il cherche un lieu de prière. Comment a-t-il su cela? Simplement, je crois qu'il s'est informé. Ou il a été dirigé par l'Esprit Saint, ou les deux. À travers la demande d'information, l'Esprit Saint le dirige, et finalement, il se retrouve dans un lieu de prière, et là, il trouve quelques femmes réunies pour prier. C'est des femmes qui craignent Dieu. Pas une idole, mais le Dieu d'Israël. Et Paul se met à parler avec eux autres. Et une femme, au verset 14, nommée Lydie, qui est marchande de pourpre, c'est une forme de teinture, elle vient de la ville de Thyatire, donc elle est probablement là en train de vendre des teintures. Elle a peut-être commencé un commerce là, dans cette ville de Philippe. C'est une femme qui craint Dieu, un peu comme Corneille, un peu comme l'Éthiopien, des gens qui craignent Dieu. Elle écoutait ce que Paul disait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Voyez-vous ici, on a, une fois on dit que l'Esprit Saint l'empêche, l'autre fois on dit que c'est l'Esprit de Jésus, troisième fois on dit au verset 10, concluant que le Seigneur nous appelait à annoncer la bonne nouvelle en Macédoine. Ici, c'est marqué que c'est l'Esprit du Seigneur, ou c'est le Seigneur qui lui ouvrit le cœur. Moi, c'est toujours la même personne. C'est toujours Dieu qui est à l'œuvre en lui. Dieu le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, le Seigneur, c'est le même personnage qui est Dieu. Il n'est pas toujours facile de couper comme avec un couteau la responsabilité de chacun dans la Trinité. Mais ici, encore une fois, je peux personnellement dire sans crainte, l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus, le Seigneur, travaille dans le cœur de Lydie afin qu'elle comprenne qu'elle soit attentive à ce que disait Paul et qu'elle se convertisse. L'Esprit Saint est à l'œuvre continuellement. L'Esprit Saint ne nous suit pas. L'Esprit Saint nous devance. L'Esprit Saint nous conduit. C'est pas nous qui conduisons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous conduire. L'Esprit Saint va travailler dans la vie des inconvertis. C'est lui qui prépare le cœur. C'est lui qui va convaincre de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui ouvre les cœurs. C'est lui qui fait naître de nouveau. C'est lui qui nous donne la capacité de croire. C'est lui qui nous donne la capacité de se repentir. C'est lui qui travaille dans le cœur de Lydie, afin qu'elle soit attentive et qu'elle croie. Et le résultat, lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous dit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Donc, aussitôt qu'elle a cru, encore une fois, je vous le répète encore une fois, elle se fait baptiser. C'est la coutume. Elle a cru, elle fut attentive, elle a cru, elle s'est repentie, elle a cru, elle s'est fait baptiser. Et elle a invité l'équipe missionnaire à rester avec elle dans sa maison. Et je crois que c'était le désir qu'elle avait d'entendre plus l'enseignement de Paul et des autres, de comprendre mieux, l'opportunité de poser ses questions. Ne tirons pas de fausses conclusions ici en disant que maintenant, à cause qu'elle a été sauvée, sa famille a été sauvée. Non, je crois qu'elle a entendu l'Évangile et Paul est allé chez elle, elle a invité ses amis à rencontrer Paul, avec Luc, avec Silas, avec Timothée. Ils ont partagé la foi avec elle, avec ses amis, avec sa famille. Et elles ont été sauvées. C'est pas un automatisme. Faites attention. Quand la Bible décrit ce qui se passe dans une maison ou dans une famille, il ne faut pas maintenant dire que ça, c'est une garantie que si je crois et je me fais baptiser, toute ma famille va croire et va se faire baptiser. Non, non, non. Voici ce qui s'est passé, là. Il ne faut pas maintenant en faire une application générale et continuelle et la norme. Faisons pas la norme. C'est ce qui est arrivé. Donc, frères et sœurs, soyons pleins de confiance, pleins d'assurance que le Saint-Esprit travaille dans le monde, travaille dans l'Église pour nous conduire vers ceux que lui veut sauver. Lui connaît tous ceux qui vont se repentir et qui vont croire. De tous les temps de l'Église, et je vous garantis qu'il est bien capable, à travers notre vie de tous les jours, de nous conduire auprès de ces gens-là. Et je suis convaincu que tous ceux qu'il veut sauver, qui sont écrits, comme on dit des fois, dans le livre de la vie, il va diriger des chrétiens vers ces gens-là, de mille et une façons, afin qu'ils entendent l'Évangile. Et il va préparer leur cœur. Il va travailler dans leur cœur, comme dans le cœur de l'eunuque, comme dans le cœur de Corneille, comme dans le cœur de Lydie, afin qu'ils puissent se convertir et devenir des serviteurs de l'Éternel. Notre Père du ciel, merci de nous avoir montré encore une fois que nous sommes loin, loin, loin d'être seuls quand nous parlons de toi. Il y a quelqu'un qui œuvre dans le cœur de ceux qui vont entendre. et l'Esprit Saint travaille dans le cœur du missionnaire afin de l'emmener vers la personne qu'il veut sauver. Quelle équipe nous faisons? Avec l'Esprit Saint qui habite dans nos cœurs, cet intermédiaire entre nous et l'inconverti. Nous nous confions en toi et nous te louons d'avoir dirigé des gens vers nous et de nous avoir dirigé nous aussi vers d'autres gens afin qu'ils se convertissent. À toi la gloire, au siècle des siècles. Amen.